ne sais pas où tu es, tu ne sais pas où je suis, mais ça, mon avis, tu n'en as rien à faire. Je ne sais pas où tu es, tu ne sais pas où je suis, alors je t'en prie, pense à moi. L'amour était affirmatif pour toi, mais est-ce que le tien était encore valable pour moi? Je ne le sais pas et ne le saurai jamais. Je te le dis, tu m'as tu sais qu'on pouvait s'aimer pour toujours, mais la seule chose qui manquait, c'était l'amour. Tu sais qu'on pouvait s'aimer à jamais, mais c'était ton désir qui manquait. Je ne sais pas où tu es, tu ne sais pas où je suis, mais ça, mon avis, tu n'en as rien à faire. Je ne sais pas où tu es, tu ne sais pas où je suis, alors je t'en prie, pense à moi. C'est très dur, les questions sans réponse. Ça me donne envie de me jeter dans les ronces. M'aimes-tu? Je ne sais pas, je vais réfléchir. Tu es parti, tu ne m'as même pas répondu, c'est ça le pire. Je ne sais pas où tu es, tu ne sais pas où je suis, mais ça, mon avis, tu n'en as rien à faire. Je ne sais pas où tu es.